Chapitre 13. Qu'était-il arrivé pendant l'absence du capitaine Reig dans la petite cité d'Aldborough? Voici le sommaire des incidents survenus entre l'heure de son départ et celle de son retour. Dès que la voiture eut quitté North Shingles, Mrs. Reig reçut le message que son mari lui avait envoyé par la domestique. Elle se hâta de courir au salon, encore étourdie de son entrevue orageuse avec le capitaine, et avec la conscience vague qu'elle avait quelques méfaits à se reprocher, mais sans se douter de ce que ce pouvait être. Si l'esprit de Magdalen n'eût pas été préoccupé d'une pensée unique où elle s'absorbait tout entière, s'il avait été assez calme pour écouter le récit que Mrs. Reig lui faisait à bâton rompu de ce qui s'était passé pendant la visite de la femme de charge, l'inspection à laquelle Miss LeCount avait soumis la garde-robe aurait pris place tôt ou tard dans cette série de révélations confuses. Et Magdalen, encore qu'elle n'eût jamais pu deviner la vérité tout entière, aurait du moins été avertie qu'il existait quelques dangers essentiels tapis dans les plis de la robe d'alpaga. Comme allaient les choses, rien de semblable ne suivit l'apparition de Mrs. Reig dans le salon. Pareille conséquence, à vrai dire, était maintenant impossible. Les événements survenus au début de la matinée, ceux-là même qui avaient rempli les derniers jours et les dernières semaines, étaient aussi complètement effacés de l'esprit de Magdalen que si jamais ils n'eussent eu lieu. L'horreur du lundi qui approchait, la cruelle certitude qu'impliquait la fixation du jour et de l'heure, semblait pétrifier en elle toute sensibilité, annihiler toute faculté pensante. À trois reprises différentes, Mrs. Reig essaya d'aborder comme sujet de conversation la visite de la femme de charge. La première fois, autant eût valu s'adresser au vent ou à la mer. La seconde tentative parut d'abord avoir été faite sous de meilleurs auspices. Magdalen soupira, écouta un instant, sans se montrer ému le moins du monde, et enfin, coupa court à ses propos qui la laissaient si indifférente. « Peu importe, disait-elle, le dénouement est le même. » « Je ne suis nullement fâché contre vous, ne parlons plus de ceci. » Un peu plus tard, le même jour, ne sachant guère que dire de plus intéressant, Mrs. Reig recommença. Magdalen, cette fois, eut un mouvement d'impatience. « Pour l'amour de Dieu, ne me fatiguez pas de ces niaiseries, elles me sont insupportables. » Mrs. Reig eut bouche close à partir de ce moment, et se garda bien de revenir sur le sujet prohibé qui paraissait irriter Magdalen, Magdalen toujours si bonne et si indulgente. Le capitaine, dans son ignorance absolue des motifs pour lesquels Mrs. LeCount prenait un si vif intérêt au secret de la garde-robe, ne pouvait pas même, à cet égard, former les conjectures les plus lointaines. Tout ce qu'il était parvenu à extraire du trouble mental où sa femme était plongée, il l'avait obtenu par des questions directes, dérivant simplement des faits arrivés à sa connaissance. Il avait exigé des réponses catégoriques, sans explication d'aucune espèce. Il avait trouvé, comme d'ordinaire, une obéissance complète, et son départ, presque immédiat, ne lui avait laissé aucune chance de revenir sur cette question, alors même que son irritation contre sa femme le lui eût permis. La robe d'alpaga restait donc pendue à son cou, dans les ténèbres, sans que personne n'y prît garde, source ignorée de danger encore à venir. Dans le cours de l'après-midi, Mrs. Reig rassembla son courage pour mettre en avant une idée conçue par elle. Une petite promenade en plein air devint l'objet de ses humbles supplications. Magdalen mit complaisamment son chapeau et complaisamment escorta sa compagne sur la promenade publique, dont elles atteignirent bientôt l'extrémité septentrionale. Là, les grèves étaient désertes, et là, elles s'assirent côte à côte sur le galet. C'était une journée rayonnante et gaie. Les bateaux de plaisance naviguaient de tous côtés sur l'eau calme et bleue. En mer comme à terre, Aldborough tout entier s'adonnait à d'heureux loisirs. Mrs. Reig se ranima bientôt devant ce tableau joyeux. Elle s'amusait, comme une enfant, à jeter des cailloux dans la mer. De temps à autre, elle jetait à la dérobée sur Magdalen un coup d'œil interrogateur, et ne trouvait ni encouragement dans son attitude, ni retour de cordialité sur son pâle visage. La jeune fille demeurait muette, assise au penchant de la grève, le coude sur son genou, la tête appuyée sur sa main, contemplant la mer avec une attention qui semblait profonde et cependant avec des yeux qu'on eût dit ne rien voir. Mrs. Reig se fatigua de son jeu et cessa de s'intéresser au bateau de plaisance. son énorme tête, à plusieurs reprises, parut fléchir en avant, et bientôt elle s'endormit sous la tiède influence de la brise paresseuse. Quand elle s'éveilla, les bateaux de plaisance étaient bien loin. Leurs voiles blanches marquaient à peine de petits points blancs l'horizon marin. Les oiseaux n'étaient plus en si grand nombre sur le rivage. Le soleil baissait dans le ciel. La mer, d'un azur plus foncé, se moirait au souffle d'un vent rapide. Toutes sortes de changements survenus dans le ciel, sur la terre et sur l'océan, racontaient la chute du jour. Ces changements étaient partout, sauf dans le voisinage immédiat de la géante qui venait de s'éveiller. Là, Magdalène était assise, dans la même position que naguère, et toujours contemplait la mer, de ses yeux fatigués qui regardaient sans voir. « Oh, je vous en prie, parlez-moi, » dit Mrs. Raig. Magdalène tressaillit et tourna la tête d'un air distrait. « Il est tard, » dit-elle, frissonnant à la première impression produite sur elle par la brise qui s'élevait. « Rentrons, vous avez votre thé à prendre. » Elle revint silencieusement chez elle. « Ne vous fâchez pas de mes questions, » dit Mrs. Raig, au moment où elles s'assirent ensemble devant le repas du soir. « Auriez-vous, ma chère, quelques troubles d'esprit ?»« Oui, » répondit Magdalène. « Mais veuillez ne pas prendre garde à moi. Ce trouble ne durera pas longtemps. » Elle attendit patiemment que Mrs. Raig eût achevé sa collation et alors seulement remonta dans sa chambre. « Lundi, » s'écria-t-elle en s'asseyant à sa table de toilette, « il peut arriver bien des choses d'ici à lundi. » Ses doigts erraient machinalement parmi les brosses et les peignes, les menus flacons, les menus boîtes dont la table était encombrée. Elle se mit à les ranger, tantôt dans un ordre, tantôt dans l'autre, puis tout à coup les écarta d'elle, les entassant pêle-mêle à longueur de bras. Pendant une minute ou deux, ses mains demeurèrent oisives. Cherchant ensuite à s'occuper de nouveau, elle se mit à tirer et à pousser dans leur rainure les deux petits tiroirs de la table. Aux bagatelles qui remplissaient l'un d'eux se trouvait mêlé un livre d'office religieux, qu'il lui avait jadis servi à Combraven, et qu'elle avait emporté avec ses autres reliques du temps passé, en quittant irrévocablement, en même temps que sa sœur, ce séjour bien-aimé. Elle ouvrit le prayer book, après une longue hésitation, à l'office du mariage, le referma sans avoir achevé la première ligne, et la remit en toute hâte dans un des tiroirs. Quand elle en eut tourné la clé, elle se leva et alla se placer à la croisée. « Que la mer est horrible, » dit-elle, se détournant avec un frisson de dégoût. « Quelle solitude, quelle vide, quelle affreuse mer !» Elle revint au tiroir et, pour la seconde fois, feuilleta le livre d'office. Elle l'ouvrit à demi, toujours aux prières du mariage, et le rejeta impatiemment au fond du tiroir. Cette fois, le verrou poussé, Magdalène retira la clé, courut presque, la tenant à la main jusqu'à la fenêtre ouverte, et la jeta violemment dans le jardin. La clé tomba sur une couche profusément semée de fleurs. Elle était désormais invisible, elle était perdue. Le sentiment de cette perte sembla soulager Magdalène. Il peut arriver quelque chose vendredi, quelque chose peut arriver samedi, quelque chose peut arriver dimanche, trois grands jours encore. Elle ferma les volets verts de la fenêtre et tira les rideaux pour rendre la chambre aussi obscure que possible. Elle se sentait la tête lourde et les yeux brûlants. Une impulsion soudaine, un absolu besoin de précipiter la marche du temps, la firent se jeter sur son lit pour y chercher le sommeil. Le calme de la maison lui venait en aide. L'obscurité de la chambre lui venait en aide. L'état de stupeur où son intelligence était tombée exerçait aussi sur ses sens une influence pacificatrice. Elle s'assoupit bientôt, mais d'un sommeil troublé. Ses mains agitées se mouvaient incessamment. Sa tête voyageait sur l'oreiller. Elle dormait cependant. Bientôt, de ses lèvres, tombèrent isolément et par groupes des paroles à peine murmurées, mais qui de plus en plus s'articulaient à mesure que se prolongeait le sommeil. Ces paroles semblèrent calmer son agitation et peu à peu lui rendre un repos plus complet. Elle souriait, elle était transportée dans l'heureux pays des songes. Le nom de Frank lui échappa. « M'aimez-vous, Frank ? » murmura-t-elle. « Oh, mon bien-aimé, dites, dites encore !» Le temps s'écoulait. La chambre devenait de plus en plus obscure. Magdalène sommeillait et rêvait toujours. Vers le coucher du soleil, sans aucun bruit du dedans ou du dehors qui expliquât ceci, elle se dressa sur son séant, réveillée en une seconde. Les épaisses ténèbres dont elle était entourée la frappèrent de terreur. Elle courut à la fenêtre, ouvrit les volets et se pencha au dehors, comme pour se plonger dans l'air et les clartés de cette belle soirée. Ses yeux dévoraient les aspects familiers de la côte. Ses oreilles buvaient le murmure bienvenu de la mer. Tout lui était bon pour la délivrer des impressions que ses songes avaient léguées à son réveil. Elle ne voulait plus d'obscurité, plus de repos. Le sommeil, clément pour les autres, n'avait pour elle que trahison. Le sommeil n'avait fermé ses yeux à l'avenir que pour les ouvrir sur le passé. Elle redescendit au salon, saisie du besoin de parler, peu importe sur quel fût-il sujet, et si oiseux que ses propos dussent être. Le salon se trouvait désert. Mrs. Rigg, peut-être, était allée travailler. Peut-être se sentait-elle trop fatiguée pour causer. Magdalene prit sur la table le chapeau qu'elle y avait laissé, puis elle sortit de la maison. La mère qu'elle avait fui quelques heures auparavant lui paraissait maintenant une amie. Qu'elle était belle dans le frais azur du soir. Quelle joie divine dans cette multitude de vagues folâtres s'ébattant et bondissant à la clarté du ciel. Elle resta dehors jusqu'à ce que la nuit fût tombée, jusqu'à ce que les étoiles eussent paru. La nuit lui rendit quelque force. Lentement et par degrés, son intelligence reprit un certain équilibre, et ce fut avec fermeté qu'elle envisagea désormais sa situation. La vaine espérance qu'un hasard quelconque pourrait annuler ce résultat même pour lequel, en vertu de son libre vouloir, elle avait, sans se lasser, formé tant de plans, accompli tant de travaux, s'évanouit et la quitta, trop faible pour ne pas se dissiper de lui-même. Elle savait en quoi consistait la véritable alternative, et se trouva le courage de s'en rendre compte. D'un côté, la révoltante épreuve du mariage, de l'autre, la renonciation absolue à son ferme dessein. Était-il trop tard pour choisir entre le sacrifice de ce dessein et le sacrifice d'elle-même? Oui, désormais il était trop tard. Derrière elle s'était fermée la voie du retour. Le temps qu'aucun vœu ne saurait changer, le temps dont aucune prière ne peut modifier les effets irrévocables, l'avait pour ainsi dire identifié au but qu'elle poursuivait. Elle avait naguère dominé ce projet conçu par elle. Maintenant il était son maître. Plus il lui inspirait d'horreur, plus elle se débattait sous ses obsessions, et plus impitoyablement il la poussait en avant. Aucun autre sentiment en elle n'était assez fort pour dompter celui de cette nécessité fatale. Non pas même une horreur qui la rendait presque folle, l'horreur qu'elle éprouvait en songeant à l'union près de s'accomplir. Vers 9 heures, elle revint à North Shingles. Encore à la promenade ? Dit Mrs. Rigg, sortie au-devant d'elle. Venez vous asseoir, ma chère, que vous devez être fatiguée. Magdalene sourit, et posant affectueusement sa main sur l'épaule de Mrs. Rigg. Vous oubliez, lui dit-elle, combien j'ai de force. Rien ne me fait mal. Elle alluma son flambeau et remonta dans sa chambre. Quand elle se retrouva comme naguère devant sa table de toilette, le vain espoir que lui avait inspiré les 3 jours de retard, le vain espoir d'une délivrance fortuite, se réveilla tout à coup en elle, cette fois sous une forme plus précise et plus palpable. Vendredi, samedi, dimanche, il peut lui arriver quelque chose à lui ou à moi, quelque chose de grave, quelque chose de fatal. L'un de nous deux peut mourir. Son visage s'altéra soudainement. Bien que l'air ne fût point froid, elle frissonna de la tête aux pieds. Elle tressaillit, bien qu'aucun bruit ne fût venu l'alarmer. « L'un de nous deux peut mourir. Peut-être sera-ce moi. » Elle s'absorba dans cette réflexion, se ranima au bout de quelque temps, et ouvrant la porte, appela Mrs. Rigg, qu'elle pria de venir lui parler. « Vous aviez raison de penser que je me fatiguerais, » lui dit-elle. « Ma promenade a un peu dépassé mes forces. Je me sens lasse, et je vais me coucher. Bonne nuit. » Elle embrassa Mrs. Rigg et doucement ferma la porte. Après quelques allées et venues dans sa chambre, elle ouvrit brusquement son écritoire et commença une lettre à sa sœur. Cette lettre s'allongeait sous ses mains. Magdalene couvrait rapidement feuille après feuille. C'est que son cœur débordait. C'est qu'elle adressait à Nora l'histoire complète de sa destinée. Elle ne versait point de larmes. Une tristesse calme l'avait envahie. Sa plume courait sans trouver le moindre obstacle. Après avoir écrit pendant plus de 2 heures, elle cessa tout à coup, laissant la lettre inachevée. Cette lettre ne portait pas encore de signature. Un large blanc au bas de la dernière feuille restait à remplir. Quand elle eut rangé l'écritoire où l'épître commençait resta sous clé, Magdalène alla respirer à la croisée et demeura là, regardant au dehors. La lune déclinait sur la mer. La brise des premières heures s'était épuisée. Sur la terre et sur l'océan planait l'esprit de la nuit, dans un calme auguste et profond. La tête de la jeune fille s'abaissa sur sa poitrine, et devant ses yeux le tableau s'effaça tout entier, comme la lune s'effaçait à l'horizon. Elle ne vit plus ni la mer ni le ciel. La mort, cette grande tentatrice, assiégeait son cœur. La mort, cette grande tentatrice, lui montrait, comme sa demeure, le tombeau du cimetière de Combraven, où ses chers parents dormaient du sommeil éternel. « 19 ans à mon dernier anniversaire, » pensait-elle. « Rien que 19 ans. » Elle sortira de la fenêtre, hésita un moment, et revint contempler cet imposant spectacle. « La belle nuit, » disait-elle avec un élan de reconnaissance. « Oh mon Dieu, la belle nuit !» Elle quitta la fenêtre pour se laisser tomber sur son lit. Le sommeil qui l'avait trahi naguère revint plus clément autour d'elle. Il revint profond et sans rêve, fidèle image de la dernière pensée qui l'eût occupée avant que ses yeux se fermassent, image fidèle de la mort. Le lendemain matin, de bonne heure, Mrs. Reig entra dans la chambre de Magdalène et la trouva déjà levée. Assise devant son miroir, elle passait et repassait lentement le peigne dans son abondante chevelure. Elle était pensive et tranquille. « Comment vous sentez-vous ce matin, ma chère ?» demanda Mrs. Reig. « Tout à fait rétablie, n'est-il pas vrai ?»« Oui. » Après avoir ainsi répondu, Magdalène s'arrêta tout à coup, réfléchit un instant et sans se soucier du démenti qu'elle se donnait. « Non, » dit-elle, « je ne vais pas tout à fait bien. J'ai un peu mal aux dents. » Tandis qu'elle modifiait ainsi sa première réponse, elle donna un léger coup de peigne qui, de sa chevelure écroulée en avant, fit à son visage un voile épais. Au déjeuner, elle fut très silencieuse et ne prit qu'une tasse de thé. « Laissez-moi, » dit Mrs. Reig, « allez-vous chercher un remède chez le pharmacien ?»« Non, je vous remercie. »« Je vous le demande, en grâce, non. » Ce second refus avait été articulé sur un ton bref et presque irrité. Comme d'ordinaire, Mrs. Reig se soumit, laissant Magdalène agir à sa guise. Celle-ci, dès que le déjeuner fut fini, se leva et sortit sans une parole d'explication. Mrs. Reig la guettait de la croisée et la vit se diriger vers la pharmacie. Sur le seuil, elle fit halte. Avant d'entrer dans le magasin, elle regardait à travers les vitres. Puis elle hésita, s'écartant de quelques pas, une fois encore parut incertaine, et prit enfin le coin d'une rue qui la ramenait du côté du rivage. Sans regarder autour d'elle, sans se soucier de choisir un endroit plus ou moins propice, elle s'assit sur les galets. Les seules personnes qui se trouvassent près d'elle, à ce moment, étaient une bonne d'enfant et les deux petits garçons confiés à ses soins. Le plus jeune des deux tenait à la main un petit vaisseau en miniature. Après avoir contemplé Magdalène, pendant quelque temps, avec une gravité, une attention singulière, l'enfant s'approcha soudainement d'elle et entama leur relation en posant tranquillement son joujou sur les genoux de la jeune fille. « Voyez mon beau navire !» disait l'enfant s'appuyant sans façon contre sa nouvelle connaissance. Magdalène, d'ordinaire, n'était pas très patiente avec les enfants. Au temps de sa prospérité, les avances du petit garçon n'eussent pas été accueillies par elle comme elles le furent alors. Le désespoir endurci qui se peignait dans ses yeux disparut tout à coup. Ses lèvres, fortement serrées l'une contre l'autre, se séparèrent, et on eût dit qu'elles vibraient. Elle replaça le joujou dans les mains de l'enfant et le prit, lui, sur ses genoux. « Voulez-vous m'embrasser ?» lui dit-elle d'une voix faible. L'enfant regarda son navire, auquel sans doute il eût plus volontiers accordé le baiser sollicité par Magdalène. Elle répéta la question. Elle la répéta presque humblement. L'enfant leva les mains vers son cou et finit par l'embrasser. « Si j'étais votre sœur, vous m'aimeriez, n'est-il pas vrai ?» Toutes les misères de son isolement, toute la tendresse perdue de son pauvre cœur débordait en ces paroles émues. « N'est-ce pas que vous m'aimeriez ? » répéta-t-elle, cachant son visage dans les plis que la blouse de l'enfant faisait sur sa poitrine. « Oui, répondit-il, mais regardez donc mon navire. » Elle le regarda, cédant à ses instances, à travers les larmes amassées dans ses yeux. « Comment l'appelez-vous ? » demanda-t-elle, essayant de s'intéresser à quelque chose, fût-ce même à ce qui préoccupait un enfant. « Je l'appelle l'oncle Kirk, » répondit le petit garçon. « L'oncle Kirk est parti. » Ce nom ne rappelait rien à la mémoire de Magdalène. En elle, maintenant, les anciens souvenirs survivaient seuls. « Parti ?» répéta-t-elle d'un air distrait, songeant à ce qu'elle pourrait bien dire ensuite au petit ami que le hasard lui avait donné. « Oui, » dit l'enfant, « parti pour la Chine. » Même sur les lèvres innocentes du petit bonhomme, ce mot la frappa au cœur. Elle déposa sur le sable le neveu du capitaine Kirk et sur le champ quitta le rivage. Comme elle revenait chez elle, la lune de la nuit passée se renouvelait dans son esprit. Mais le soulagement qu'elle avait éprouvé à rencontrer cet enfant, l'attendrissement qu'elle avait ressenti en le prenant sur ses genoux, exerçait encore sur elle une influence bienfaisante. Elle eut conscience d'un espoir nouveau, fraîche aurore qui se levait sur ses pensées ténébreuses, comme les innocents regards du petit garçon s'étaient élevés sur son visage assombri, au moment où de lui-même il venait à elle sur la grève. Était-il donc trop tard pour rebrousser chemin ? Une fois encore, elle se posa cette question et, pour la première fois, la réponse lui parut douteuse. Elle se hâta de rentrer dans sa chambre, se méfiant en secret du changement qui venait de s'opérer en elle, et avertit par là même qu'il fallait agir sans trop se donner le temps de la réflexion. Aussi, avant d'ôter son châle ou son chapeau, se dépêcha-t-elle d'ouvrir son écritoire pour tracer, aussi vite que sa plume put courir, les lignes suivantes adressées au capitaine Wraig. « Vous trouverez ci inclus l'argent que je vous ai promis. Le courage m'a manqué. Je ne puis me faire à l'horreur que m'inspire l'idée de l'épouser. Je viens de quitter Aldborough. Ayez pitié de ma faiblesse et pardonnez-moi. Arrangeons-nous maintenant pour ne plus nous rencontrer. » Avec un grand battement de cœur, avec des doigts que l'agitation faisait trembler, elle tira de sa poitrine le petit sachet de soie blanche pour en extraire les banknotes qu'elle voulait joindre à la lettre. Sa main, qui le fouillait avec impétuosité, avait en quelque façon perdu le sentiment du toucher. Elle saisit à pleine poignée tous les papiers que renfermait le sac, déchirant les uns, dépliant les autres. Au moment où elle les étalait devant elle, sur la table, le premier objet que rencontrèrent ses yeux fut un fragment de sa propre écriture, déjà décolorée par le temps. Elle regarda de plus près et vit les mots qu'elle avait copiés dans la lettre de son père défunt. Elle vit aussi le bref et terrible commentaire de l'avocat, placé au bas de la même page, se dresser devant elle comme un reproche muet. Les filles de Mr. Vanstone ne sont les enfants de personne, et la loi les laisse sans ressources à la merci de leur oncle. Son cœur qui battait s'arrêta. Ses mains qui tremblaient prirent une immobilité glacée. Tout le passé se leva devant elle, accusateur âpre et violent. Elle prit les lignes que sa propre main venait de tracer la minute d'auparavant, et avec une vague incrédulité, regarda l'encre encore humide sur les lettres. La rougeur qui était montée à ses joues s'en effaça une fois encore. Le désespoir endurci reparut, brillant et froid, dans ses yeux séchés. Elle plia soigneusement les banknotes et les replaça dans son sachet. Elle pressa sur ses lèvres la copie de la lettre paternelle et la remit en place à côté des banknotes. Quand le sachet fut de nouveau caché dans sa poitrine, elle attendit un instant, le visage dans ses mains, puis déchira résolument les lignes adressées au capitaine Wraig. Avant que l'encre fût sèche, les morceaux de la lettre jonchaient le parquet. « Non, » dit-elle, au moment où le dernier lambeau de papier tombait de sa main. « Sur la route où je vais, le retour est impossible. » Elle se leva, du plus grand calme, et quitta sa chambre. En descendant l'escalier, elle rencontra Mrs. Wraig, qui montait. « Sortez-vous encore, ma chère ?» demanda celle-ci. « Puis-je vous accompagner ?» L'attention de Magdalène était ailleurs. au lieu de répondre à la question qui lui était faite, ce fut à ses propres pensées qu'elle répondit. « Des milliers de femmes font des mariages d'argent, » disait-elle. « Pourquoi ne serais-je pas de celles-là » La perplexité décontenancée qui se peignit sur le visage de Mrs. Reig, au moment où Magdalene prononçait ces paroles, rendit la malheureuse enfant au sentiment des choses présentes. « Pauvre chère femme, » dit-elle, « je vous embarrasse, n'est-il pas vrai ? Ne vous mettez pas en peine de ce que je dis. Toutes les jeunes filles tiennent des propos plus ou moins bizarres, et je ne vaux pas mieux que le reste de mes pareils. Allons, je vais donner une petite fête. En l'absence du capitaine, j'entends vous rendre tout à fait heureuse. Nous ferons à nous deux une belle promenade en voiture. Mettez votre plus joli chapeau et venez à l'hôtel avec moi. Je dirai à la maîtresse de nous mettre dans un panier tout ce qu'il faut pour un bon petit dîner froid. On choisira ce que vous préférez. Et c'est moi qui prétends vous servir. Quand vous serez vieille, mais là, vieille tout à fait, vous me garderez, n'est-il pas vrai, un bon souvenir. Vous direz, ce n'était pas une méchante fille. On en voit vivre et prospérer sans que personne les blâme, et par centaines, qui ne valent pas ce qu'elles valaient. Allons, allons, dépêchez-vous de mettre votre chapeau. Grand Dieu, de quel métal est donc fait mon cœur? Comment survit-il toujours et toujours, lorsque chez tant d'autres jeunes filles serait mort et depuis longtemps? Une demi-heure après, elle et Mrs. Reig étaient assises côte à côte au fond d'une bonne calèche. L'un des chevaux, au départ, se montra rétif. « Fouettez-le !» criait Magdalene au cocher avec l'accent de la colère. « Que craignez-vous donc? Fouettez-le à tour de bras !»« Supposons que la voiture verse, » ajouta-t-elle brusquement, en se tournant vers sa compagne. « Supposons que je sois lancé contre cette muraille et tué sur place. Allons donc, ne me regardez pas ainsi, tout effaré. Je ressemble à votre mari. J'ai moi aussi mes joyeux caprices. Et tout ceci n'est qu'une plaisanterie. » Elles restèrent dehors toute la journée. Quand elles rentrèrent, il était nuit close. Une si longue série d'heures passées au grand air leur laissait à toutes deux le même sentiment de fatigue. Cette nuit encore, comme la précédente, Magdalene dormit d'un sommeil profond et sans rêve. Ce fut ainsi que le vendredi s'acheva. La dernière pensée de Magdalene avait été, ce soir-là, celle qui, toute la journée, lui avait servi de soutien. En plaçant sa tête sur l'oreiller, elle se sentait, pour se soumettre à l'épreuve imminente, la même indomptable résolution qu'elle avait déjà témoignée par ses paroles, lorsque le hasard lui avait fait rencontrer Mrs. Reig sur l'escalier. Quand elle s'éveilla le samedi matin, cette résolution avait disparu. Les pensées, et même les événements du vendredi, étaient effacés de son esprit. Elle sentait encore une fois, mêlant de froides ondes à celles de son jeune sang, ce lent et mortel poison qui s'était glissé dans son cœur désespéré aux dernières clartés de la lune et qui, dans le calme auguste des nuits, lui avait fait entendre tout bas de si funestes conseils. « C'est jeudi soir, se disait-elle, que j'ai vu le dénouement tel qu'il doit être. Depuis ce moment, je n'ai fait que m'égarer. » Quand elle et sa compagne se retrouvèrent dans la matinée, Magdalene se plaignit encore de son mal de dents. Elle repoussa l'offre de Mrs. Reig, qui proposait de lui aller chercher un remède. Enfin, elle quitta la maison après le déjeuner, se dirigeant du côté de la pharmacie, exactement comme elle avait fait dans le cours de la matinée précédente. Cette fois, elle franchit le seuil du magasin sans hésiter un instant. « Mes dents me font souffrir, » dit-elle brusquement à un homme âgé qui se tenait derrière le comptoir. « Permettez-vous, miss, que j'examine ?»« Inutile, monsieur. Il s'agit d'une dent attaquée déjà. J'aurais pris sans doute quelques coups d'air. » Le pharmacien proposa divers remèdes qui étaient en vogue il y a de cela 15 ans. Mais elle refusa d'en acheter aucun. « Le laudanum m'a toujours mieux soulagé qu'aucune autre composition, » dit-elle, prenant tour à tour les flacons rangés sur le comptoir et les examinant tandis qu'elle parlait au lieu de regarder le pharmacien. « Donnez-moi du laudanum. »« Volontiers, miss. Permettez-moi cependant une question qui est simplement une formalité requise. Vous habitez, je crois, à Aldborough ?»« Sans doute. Je suis Miss Bygrave, de North Shingles. » Le pharmacien s'inclina et, se tournant du côté de ses rayons, remplit immédiatement de laudanum un flacon ordinaire fait pour en contenir une demi-once. En s'assurant au préalable du nom et de l'adresse de sa cliente, cet homme avait pris une précaution bien naturelle pour un praticien soigneux, mais qui n'était rien moins que général, en pareille occurrence, vu l'état de la législation à l'époque où ces choses se passaient. « Joindrai-je un peu d'ouate au laudanum ?» demanda-t-il, après avoir placé sur le flacon une étiquette où il venait d'écrire un seul mot en gros caractères. « Si vous voulez bien. Mais qu'avez-vous écrit là ?» Elle avait posé la question d'un ton vif et comme si un peu de méfiance se mêlait à sa curiosité. Le pharmacien y répondit en tournant l'étiquette de son côté. Magdeleine y vit écrit en grosses lettres le mot « poison ». « J'aime à prendre mes précautions, miss, » dit le vieillard qui souriait. « Des gens fort honorables à tous autres égards sont souvent d'une négligence effrayante quand il s'agit de substances vénéneuses. » Magdeleine se reprit à faire manœuvrer les flacons placés sur le comptoir et posa une autre question dont elle attendit la réponse avec une anxiété dissimulée. « Y a-t-il donc quelque danger ?» demanda-t-elle. Dans une si petite dose de laudanum ? Il y a la mort, tout simplement, répondit le pharmacien avec calme. La mort pour un enfant, peut-être, ou pour une personne déjà mal portante. La mort pour l'homme le plus robuste d'Angleterre, qu'on le prenne où l'on voudra. Répondant ainsi, le pharmacien cachetait le flacon dans une enveloppe de papier blanc et le présentait à Magdeleine. Elle se mit à rire en le prenant de ses mains et en lui remettant le prix. « Vous n'avez pas à craindre le moindre accident chez nous, » lui dit-elle. « Le flacon restera sous clé, dans ma table de toilette. S'il ne me soulage pas, je reviendrai vous trouver pour avoir de vous un autre remède. Bien le bonjour. »« Bonjour, miss. » Elle s'en revint tout droit à North Shingles, sans lever une fois les yeux, sans prendre garde à une seule des personnes qu'elle rencontra. Elle passa dans le corridor, tout à côté de Mrs. Reig, l'effleurant de sa robe comme s'il se fût agi d'un meuble oublié là par hasard. À deux reprises différentes, en montant l'escalier, elle se prit les pieds dans sa jupe, faute de cette précaution vulgaire qui consiste à la relever par devant. Les menus détails de la vie quotidienne avaient déjà cessé de l'intéresser à un degré quelconque. Seule dans sa chambre, elle ôta le flacon de son enveloppe, jetant le papier et le petit paquet d'ouate dans la cheminée. À ce moment-là même, elle entendit frapper à la porte. Magdeleine cacha le petit flacon et tourna la tête avec impatience. Mrs. Reig entrait dans la chambre. « Avez-vous trouvé quelque chose pour votre mal de dents, ma chère ?»« Oui. »« Pourrais-je vous aider en quoi que ce soit ?»« Non. » Mrs. Reig s'obstinait à rester près de la porte d'un air inquiet. Son attitude prouvait clairement qu'elle avait encore quelque chose à dire. « Qu'y a-t-il, voyons ?» demanda Magdeleine avec une certaine vivacité. « Ne vous fâchez pas. » répondit Mrs. Reig. Je ne suis pas tranquille au sujet du capitaine. Il écrit beaucoup et nous n'avons aucune lettre de lui. Il est prompt comme l'éclair et nous ne le voyons pas revenir. Nous voici à samedi sans qu'il ait donné signe de vie. Le croyez-vous capable de s'être sauvé? Lui serait-il arrivé quelque accident? Je ne pense pas. Descendez au salon. Je vais aller vous y retrouver et nous causerons de ceci. Dès qu'elle se retrouva seule, Magdeleine se leva de son fauteuil, s'avança vers une armoire, fermant à clé, qui se trouvait dans sa chambre, et demeura un moment, la main sur la clé, ne sachant que faire. L'apparition de Mrs. Reig avait complètement changé le cours de ses pensées. La dernière question de Mrs. Reig, si frivole qu'elle fût, l'avait retenue au bord du précipice, en réveillant en elle une fois encore le vain espoir d'un accident fortuit qui viendrait la dégager. « Pourquoi pas ? » disait-elle. Pourquoi ne serait-il pas arrivé quelque chose à l'un d'eux ? Elle replaça le laudanum dans l'armoire, la referma et mit la clé dans sa poche. « D'ici à lundi, » pensait-elle, « nous aurons le temps. J'attendrai que le capitaine soit de retour. » Après s'être consultée au salon, les deux dames décidèrent que la domestique veillerait cette nuit-là pour attendre son maître. La journée se passa tranquillement et sans incident d'aucune sorte. Magdeleine, les yeux fixés sur un livre, usait les heures en rêves stériles. Elle ne ressentait plus maintenant que cette fatigue de l'attente, qui est, à elle seule, un pesant fardeau. Les angoisses poignantes de la pensée étaient enfin émoussées, amorties chez elle. Elle resta dans le salon durant tout le jour et toute la soirée, se sentant une répugnance bizarre à rentrer dans sa chambre. À mesure que la nuit avançait, tout bruit cessant peu à peu, soit à l'intérieur, soit au dehors. Son agitation sembla vouloir recommencer. Elle tâcha de se calmer par la lecture. Les livres ne purent fixer son attention. Le journal était resté dans un coin de la chambre. Elle eut alors recours au journal. Elle regarda machinalement l'intitulé des articles. Elle les parcourut avec indifférence, colonne après colonne, jusqu'au moment où son attention vagabonde fut fixée par le récit d'une exécution qui avait eu lieu dans un district éloigné. Rien qui dût la frapper dans l'histoire de ce crime, mais cependant, elle la lut. C'était un assassinat vulgaire, une horreur tout à fait triviale. Le meurtre d'une servante de ferme par un homme remplissant des fonctions analogues et dont la jalousie avait armé le bras. Il avait été convaincu sur un ensemble de preuves qui n'avaient rien d'extraordinaire. Il avait été pendu dans des circonstances qui n'avaient rien d'exceptionnel. Comme tant d'autres criminels de son espèce, il avait fait des aveux, une fois que tout espoir avait semblé perdu pour lui. Et le journal avait inséré sa confession à la fin de l'article. Elle était conçue en ces termes. J'avais des relations avec la défunte depuis environ un an. Je lui avais promis de l'épouser quand j'aurais assez d'argent. Elle disait que maintenant j'en avais assez. Nous eûmes une dispute. Elle refusa de jamais plus sortir avec moi. Elle ne voulait plus me tirer de la bière. Elle se lia peu à peu avec mon camarade David Crouch. J'allais la trouver samedi pour lui dire que si elle voulait renoncer à Crouch, je me marierais avec elle dans le plus court délai possible. Elle se moqua de moi. Elle me renvoya de la buanderie et toutes les autres la virent me chasser ainsi. Je n'avais pas l'esprit fort tranquille. J'allais m'asseoir sur une barrière, la barrière de la prairie qu'on appelle Petite Spice. Je pensais alors à la tuer. J'allais prendre mon fusil et le charger. Je revendre Petite Spice. J'avais de la peine à me décider. Je m'imaginais de la tirer au sort, je veux dire de tirer au sort si je la tuerais ou non, en jetant en l'air le coutre de ma charrue. Je me disais à moi-même, s'il retombe à plat, je la laisserai vivre. S'il s'enfonce dans la terre, je la tuerai. Je lui fis faire plusieurs tours avant de le lancer. Il retomba la pointe dans le sol. J'allai immédiatement lâcher mon coup de fusil à la défunte. C'était une mauvaise besogne, mais je l'ai fait ainsi qu'on l'a dit dans le procès. J'espère que le Seigneur aura pitié de moi. Je voudrais qu'on donnât à ma mère les habits que je porte. Je ne vois pas que j'ai autre chose à dire. Dans le beau temps de sa vie, Magdalène aurait passé sans y jeter un coup d'œil, sur le récit de l'exécution et sur cette confession imprimée qui l'accompagnait. Rien de tout cela ne lui aurait offert le moindre attrait. Ce jour-là, non seulement elle lut l'horrible histoire, mais elle la lut avec un intérêt dont elle ne pouvait se rendre compte. Son attention, que n'avaient pu fixer des pensées, des tableaux d'un ordre bien plus élevé, bien plus sain, suivait d'un bout à l'autre chaque phrase de ses aveux où l'assassin se révélait avec je ne sais quelle candeur hideuse. Si le meurtrier et la victime lui avaient été connus, si le théâtre du crime eût été familier à ses souvenirs, à peine aurait-elle pu suivre le récit avec une attention plus concentrée, ou en recevoir une impression plus précise et plus nette. Elle posa le journal, surprise de ce qui se passait en elle, puis elle le reprit et tâcha d'en lire quelques autres passages. Vain effort, sa pensée ne pouvait plus s'y fixer. Elle jeta de côté ce chiffon de papier et descendit au jardin. La nuit était sombre. Les étoiles peu nombreuses brillaient à peine. Tout au plus discernait-elle le sentier sablé, tout au plus pouvait-elle le suivre pour aller et venir de la porte de la maison à la grille du jardin. La confession imprimée avait acquis une étrange prise sur son imagination. Comme elle longeait l'allée, cette nuit noire s'ouvrit, ainsi qu'un rideau du côté de la mer. Elle lui laissa voir dans la prairie le malheureux assassin au moment où il jetait en l'air le coutre de la charrue. Elle courut toute frissonnante du côté de la maison. L'assassin la suivit et entra dans le salon avec elle. Magdalène saisit la bougie allumée et remonta dans sa chambre. La vision évoquée par son imagination malade marcha près d'elle jusqu'à l'endroit où le laudanum était caché, puis une fois là, s'évanouit. Il était près de minuit, et rien n'avait encore annoncé le retour du capitaine. Elle tira de son écritoire la longue lettre qu'elle avait écrite à Nora, et la lut lentement d'un bout à l'autre. Cette lecture l'apaisa. Parvenue à ce feuillet à moitié blanc qu'elle s'était réservé pour achever la lettre, elle revint en hâte au début et reprit à nouveau sa lecture. L'horloge de l'église sonna 1 heure du matin et le capitaine n'avait pas encore paru. Elle relut la lettre d'un bout à l'autre, puis, avec l'obstination du désespoir, elle la recommença pour la 3e fois. Arrivée à la dernière page, elle regarda sa montre. Il était 2h15. À peine venait-elle de replacer la montre à sa ceinture que, traversant le silence de la matinée, un petit bruit lointain arriva jusqu'à elle. C'était un bruit de roue. Elle laissa tomber la lettre et, serrant sur ses genoux ses mains glacées, elle écouta. Le bruit continuait, de plus en plus proche, de plus en plus rapide, bruit insignifiant pour toute autre oreille que les siennes, mais pour celle-ci, aussi effrayant que la trompette du jugement dernier. Il passa le long de la maison, continua un peu au-delà, et s'arrêta tout à coup. Elle entendit frapper avec force, puis une fenêtre qui s'ouvrait, puis des voix, puis un long silence, puis encore les roues qui revenaient bien évidemment, puis la porte du rez-de-chaussée qui s'ouvrait, et dans le corridor, la voix sonore du capitaine. La patience de Magdalène était à bout. Elle entr'ouvrit sa porte et l'appela. Il monta l'escalier en courant, étonné de la trouver encore debout. Elle lui parla par l'étroit interstice de la porte entrebâillée derrière laquelle elle s'abritait, redoutant de lui laisser voir son visage. « Est-il survenu quelque obstacle ?» lui demanda-t-elle. « Tranquillisez-vous, » répondit-il. « Tout marche à merveille. » « Vous ne voyez pas d'accident à craindre d'ici à lundi. »« Pas le moindre accident. Ce mariage est une affaire faite. »« Une affaire faite, oui. Bonne nuit. » Elle lui tendit la main à travers la porte. Il la prit, tant soit peu étonné. Il ne l'avait pas vu fréquemment lui offrir une poignée de main si spontanée. « Vous avez veillé trop tard, » lui dit-il, quand il sentit l'étreinte de ses doigts glacés. « Je crains que vous ne passiez une mauvaise nuit. Je crains bien que vous ne dormiez guère. » Elle referma doucement la porte. « Je dormirai, » disait-elle, plus profondément que vous ne pensez. Il était 2 heures passées quand elle s'enferma ainsi dans sa chambre. Son fauteuil était près de la table de toilette à la place accoutumée. Elle s'assit, pensive, durant quelques minutes, puis ouvrit sa lettre à Nora, et de prime abord alla chercher le dernier feuillet où, nous l'avons dit, un blanc était réservé. Les dernières lignes au-dessus de ce blanc étaient ainsi conçues. « Je viens de vous dévoiler mon cœur tout entier. Je n'ai rien voulu vous dissimuler. Voici où les choses en sont venues. Le but vers lequel j'ai tendu et dont la poursuite m'a déjà coûté si cher, il faut que je l'atteigne ou que je meure. C'est de la perversité, de la folie, tout ce que vous voudrez, mais cela est. Je n'ai plus maintenant à choisir qu'entre 2 voyages. Si je puis me résoudre à l'épouser, le voyage de l'église. Si la profanation de moi-même est pour moi une honte inabordable, le voyage du tombeau. » Au-dessous de cette dernière phrase, elle écrivit ceci. « Mon choix est fait. Si une loi cruelle vous le permet, faites-moi déposer auprès de mon père et de ma mère dans le sein de la terre natale. Adieu, ma sœur bien-aimée. Soyez toujours innocente. Soyez heureuse toujours. Si jamais Franck s'informait de moi, dites-lui que je suis morte en lui pardonnant. Ne m'accordez point, Nora, de trop longs regrets, je ne les mérite pas. » Elle cacheta la lettre et sur l'adresse mit le nom de sa sœur. Les larmes s'amoncelaient dans ses yeux au moment où elle la déposa sur la table. Elle attendit que sa vue se fût un peu éclaircie, et du petit sachet placé dans son sein, retira une fois encore les banknotes. Quand elle les eut enveloppées dans une feuille de papier à lettres, elle inscrivit sur le pli le nom du capitaine Reig et au-dessous ajouta ces mots. « Tenez fermée la porte de ma chambre et laissez-y mon corps jusqu'à l'arrivée de ma sœur. Vous trouverez inclus l'argent que je vous ai promis. Aucun blâme n'a été encouru par vous. Tout est de ma faute et de ma faute seule. Si vous me conservez quelque souvenir amical, montrez-le en traitant votre femme avec bonté. » Quand elle eut placé cette enveloppe à côté de la lettre de Nora, elle se leva et du regard parcourut la chambre. Certains menus objets n'étaient pas à leur place. Elle les mit en ordre et au chevet de son lit, de droite et de gauche, tira les rideaux. Son vêtement fut ensuite l'objet d'un rigoureux examen. Il était aussi correct, aussi chaste, aussi élégant que jamais. Rien sur sa personne n'était en désordre, excepté sa chevelure. Quelques tresses s'étaient détachées. Elle les remit soigneusement en place, s'aidant de son miroir. Comme je suis pâle, pensait-elle avec un faible sourire. Pourrais-je l'être davantage lorsqu'ils entreront ici, demain matin ? Elle alla tout droit vers l'armoire où était caché le laudanum et l'en retira. Le flacon était si petit qu'il tenait aisément dans la paume de sa main. Elle l'y laissa un peu de temps et debout le regardait. La mort, disait-elle. Dans cette goutte de liqueur brune, la mort. Au moment où ces paroles franchirent ses lèvres, une inexprimable horreur vint en un instant s'emparer d'elle. Elle traversa la chambre chancelant, la tête troublée et comme perdue, avec une angoisse de cœur qui paralysait sa respiration. Elle se prit à la table pour se maintenir debout. Le faible choc du flacon, lorsque, s'échappant de ses doigts entrouverts, il alla, sans autre accident, se heurter à une des porcelaines qui couvrait la table, lui traversa le cerveau comme une lame d'acier. Le son de sa propre voix, devenu pourtant un simple murmure, de sa voix articulant ce seul mot, la mort, pénétrait dans ses oreilles avec le tumulte impétueux du vent déchaîné. Elle se traîna jusqu'auprès de son lit, contre lequel, assise encore sur le parquet, elle appuyait sa tête brûlante. « Oh, ma vie !» pensait-elle. « Que vaut donc ma vie pour m'y cramponner avec tant d'acharnement ?» Au bout de quelques instants, elle sentit la force lui revenir. Elle se souleva sur ses genoux et cacha son visage dans l'oreiller. Elle essayait de prier pour invoquer le pardon du ciel, sévère à ce qu'on dit pour quiconque se réfugie dans la mort. Des paroles frénétiques jaillissaient de ses lèvres, paroles qui fussent devenues de véritables cris, si elle ne les avait étouffées sous les draps du lit. Elle se dressa sur ses pieds. Le désespoir lui donnait contre elle-même les forces d'une furie aveugle. L'instant d'après, elle se retrouvait près de la table, et dans la seconde qui suivit, elle avait ressaisi le poison. Elle déboucha le flacon qui le renfermait et le porta brusquement à ses lèvres. Au premier contact du froid cristal et de ses lèvres ardentes, la robuste vitalité de sa jeunesse bondit en ses veines où le sang se précipitait à flots. Elle lutta contre la mort et ses terreurs imminentes avec toute l'énergie de la répugnance qu'elle lui inspirait. Toutes les facultés actives de cette exubérante vitalité s'insurgèrent contre la volonté de destruction qui conseillait à Magdalène un attentat sacrilège contre elle-même. Elle s'arrêta. Pour la seconde fois, en dépit d'elle-même, elle s'arrêta. Elle était là, resplendissante de jeunesse et de santé, là, toute tremblante au seuil de la vie, le baiser de la mort près de ses lèvres, tandis que la nature, fidèle à sa sainte mission, combattait jusqu'au bout pour la sauver. Pas un mot ne franchit ses lèvres. Le sang affluait à ses joues. Sa respiration devint haletante et rapide. Tenant encore le poison dans sa main et comprenant qu'elle pouvait s'évanouir d'un moment à l'autre, elle se dirigea vers la croisée. Elle écarta le rideau qu'elle avait laissé retomber. La nouvelle journée se levait. L'ample crépuscule épandit sur Magdalène ses lueurs voilées, se reflétant à l'est sur la mer paisible. Elle voyait les flots, vastes et silencieux, occuper l'horizon brumeux et calme. Elle sentait la fraîche haleine du matin battre sur son visage, comme chassée par des ailes invisibles. Sa force revint. Il fit un peu moins nuit dans sa pensée. La vue de la mer lui rendit le souvenir de cette promenade faite au jardin la veille au soir, et du tableau que sur le vide ténébreux, son imagination malade avait peint de si vives couleurs. Elle revit ce tableau, l'assassin jetant en l'air le coutre de la charrue, et livrant au hasard de cette lame prête à retomber la vie ou la mort de la femme infidèle. Aussi promptement qu'avait éclaté à ses yeux la lumière du jour nouveau, elle se sentit envahie par la contagion de cette superstition redoutable. La promesse de salut, que, au fond de son horrible hésitation, elle entrevoyait dans cet ajournement conditionnel, souleva chez elle tout ce que le désespoir y avait laissé d'énergie. Elle résolut de mettre un terme à la lutte en jouant sur une chance, sa vie ou sa mort. Et sur quelle chance? La mer se chargea de lui en indiquer une. À peine visible à travers le brouillard, elle aperçut une petite escadrille de bâtiments caboteurs que la mer montante faisait lentement dériver du côté de la maison et qui suivaient tous une direction identique. Dans une demi-heure, peut-être moins, l'escadrille aurait passé sous sa croisée. Les aiguilles de sa montre marquaient 4 heures. Elle s'assit à côté de la fenêtre, tournant le dos au point d'où les navires dérivaient vers elle, le poison placé sur l'appui de la fenêtre, la montre posée sur ses genoux. Elle venait de résoudre que pendant une demi-heure encore, elle attendrait ainsi pour compter les bâtiments à mesure qu'ils passeraient sous ses yeux. Si, dans ce laps de temps, ils étaient passés en nombre pair, le signe providentiel serait interprété comme un ordre de vie. Si le contraire arrivait, si le nombre impair avait prévalu, l'arrêt prononcé serait un arrêt de mort. Cette résolution définitivement prise, elle appuya sa tête à la croisée ouverte et attendit le défilé des navires. Le premier arriva, coque haute et sombre, glissant silencieusement sur la mer silencieuse et qui semblait, derrière le brouillard, passer à quelques pas seulement. Il y eut un intervalle, après quoi le second suivit, et le troisième ne se fit pas attendre. Autre intervalle, se prolongeant de plus en plus, et rien n'arrivait. Elle regarda sa montre, 12 minutes étaient écoulées. 3 navires avaient paru, rien que 3. Le quatrième survint, plus lent que les autres, de dimensions plus considérables, et plus reculé dans l'épaisseur des brumes. Puis un intervalle encore une fois prolongé. Ensuite arriva un autre bâtiment, le plus sombre de tous et le plus rapproché. 5. Encore un nombre impair. 5. Elle regarda de nouveau sa montre. 5 navires en 19 minutes. 20 minutes. 21. 2. 3. Et le 6e bâtiment ne paraissait pas. 24. Et le voilà qui suit les autres. 25. 26. 27. 28. Et le prochain nombre impair, le fatal numéro 7, se présente au regard. Pour finir la demi-heure, il ne faut plus que 2 minutes. Et les navires sont au nombre de 7. 29. Et dans le sillage du 7e bâtiment, aucun autre n'apparut. L'aiguille de la montre est à mi-chemin de la 30e minute. Et la mer écumeuse n'offre au regard que la blancheur de la brume et du flot. Sans détacher sa tête de la fenêtre où elle s'appuie, Magdalène, d'une main, a pris le poison, de l'autre, a soulevé la montre. À mesure que les secondes rapides se chassent l'une l'autre, ses yeux aussi rapides qu'elles vont de la montre à la mer, de la mer à la montre, ils se portèrent pour la dernière fois sur la mer et virent le 8e bâtiment. La vie. Au dernier moment, la vie. Elle ne bougea pas. Elle ne prononça pas une parole. Déjà semblait morte en elle toute pensée, morte aussi toute faculté sensible. Elle posa machinalement le poison sur le rebord de la croisée et contempla, comme dans un rêve, le navire qui glissait doucement sur sa voie muette, jusqu'au moment où il se noya peu à peu dans l'ombre, jusqu'au moment où il se perdit dans la brume. Quand ce messager de vie eut disparu à ses yeux, sa pensée, tendue à l'excès, s'affaissa tout à coup. « Est-ce la providence ? » murmura-t-elle vaguement. « Est-ce le hasard ?» Ses yeux se fermèrent et sa tête retomba en arrière. Quand le sentiment de la vie lui fut rendu, le soleil matinal lui réchauffait le visage, le ciel bleu semblait la contempler avec un sourire et la mer roulait des flots d'or. Elle s'agenouilla près de la fenêtre et fondit en larmes. Vers midi, le même jour, le capitaine qui attendait au salon et qui n'entendait aucun mouvement dans la chambre de Magdalène vint à s'inquiéter de ce long silence. Il prescrivit à la nouvelle femme de chambre de le suivre à l'étage supérieur et lui montrant la porte, il lui dit d'entrer sans bruit pour s'assurer si sa maîtresse dormait encore. Cette fille entra. Elle resta dans la chambre une ou deux minutes et en sortant referma la porte avec précaution. « Elle est bien belle, monsieur, » disait la soubrette. « Et son sommeil est aussi tranquille que celui d'un enfant nouveau-né. »